Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made a sheep. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça carabistouille ce matin ? Wesh, gros, à la cool. D'autant plus que ma nuit fut faite de sensations pures, puisque j'ai passé ma soirée au Korova Milk Bar, où j'ai siroté quelques verres de lait plus. Alors forcément, j'ai grassement enrichi ces escrocs d'industriels laitiers. Mais ce matin, j'ai l'esprit affûté pour une bonne séance d'ultra-violence au scalpel. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 38 pourrait bien faire le bonheur des dames. Le bonheur des dames ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Là, vous me damez le pion et je redoute l'échec. Sans provision, mais bon, je ne désespère pas et je sors du panier à provision, la première brique. Attention, c'est parti, mes dents. Mes dents ? Monde entier, c'est Marcel Cerdan. Ok, vous cherchez du percute, pensez plutôt à l'ajout intellectuelle et concentrez-vous, voici la deuxième brique, naturalisme. Naturalisme ? Naturisme, bête à poil, démis Roussos. Ah, devant tant d'absurdités, je me suis démis l'épaule. Mais à bout de force, voici la dernière brique, Germinal. Ah, ok doc, l'auteur de Germinal, chef de file du naturalisme, et qui passait ses soirées à Médan. Nous nous penchons bien évidemment ce matin sur le formidable dossier d'Émile Zola. Alors allons-y, professeur Mauduit, étudions le cas de cet intellectuel au sens noble du terme. Allez, maniez-vous le wagonnet, les gueules noires, et apportez au labo le dossier de monsieur Zola. Allez, Mimile, à table. Il s'appelle Émile. Émile ! Oh, il y a du monde, hein. Voulez un chewing-gum ? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Émile Zola. Avant tout, cher monsieur, bizarrement, vous pourriez être le frère laïque de Jésus. Eh oui, car vous possédez une évidente dimension christique. Pétri de justice, vous êtes venu sur Terre pour tenter de sauver l'humanité de la misère sociale, mais aussi pour lui rappeler au passage que l'amour de son prochain sous-entend notamment que l'antisémitisme est une infamie. Ainsi, 2000 ans plus tard, lucide, Dieu nous envoya un gauchiste. Alors sans plus attendre, débutons l'analyse de notre patient messianique par la première intervention clinique du professeur Mauduit qui va nous exposer ce qui nous turlupine au cœur de cette sublime structure mentale. Eh bien voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est évidemment le lourd fardeau qui pèse sur les épaules de notre patient. Car comment voulez-vous lutter contre les injustices d'une société bourgeoise sans ressentir parfois des troubles psychiques réellement légitimes ? Dans sa vie personnelle, d'ailleurs, Zola est un cyclotymique. Zola est un homme qui est partagé entre des périodes d'énergie, de plaisir au travail, de dynamisme, et puis des périodes d'angoisse, d'inquiétude, d'agacement. Toute sa vie, il a été partagé entre ce qu'il appelle d'ailleurs dans un très beau texte très mal connu, qui est Lazare. Toute sa vie, il a été partagé entre ce qu'il appelle dans ce texte la douleur de vivre et la joie d'être. Ça me paraît deux formules qui résument non seulement la vie personnelle de Zola, mais aussi l'image qu'il donne de l'ensemble de la société de son époque. Et qui probablement sont aussi unis que le pôle positif et le pôle négatif d'un courant électrique. Oui, je crois que sa lucidité personnelle l'entraîne plutôt du côté du pessimisme. Pessimisme de l'intelligence, certes, mais optimisme de la volonté. Voilà une exhortation de Romain Rolland plus qu'idoine pour M. Zola. observateur des hommes de son temps, Zola n'a cessé de s'engager pour des causes sociales et politiques qui lui semblaient justes. Un écrivain totalement incompatible avec la moindre stratégie d'ouverture. Résultat, devant un tel renégat, nous avons maintenant 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre naturaliste affûté recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de celui qui signait d'un Z comme Zola, par une ritournelle des temps post-modernes. C'est notre seul sentiment, tu bosses l'autre bonheur, j'ai notre signe à voler, la la la la la la. Should learn how to make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house went oof. If they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house went ooh. If they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Modern Times, c'était G5, matinée de Charlie Chaplin pour les temps modernes du rap en 2003. Je voudrais maintenant défendre un peu Zola sur le terrain même de sa philosophie biologique. Sa conception générale de l'homme qui donne les pleins pouvoirs formateurs à l'hérédité et au milieu ne me paraît nullement, quoi qu'on dise, dépassée par les faits. L'hérédité est le milieu, le germe et les circonstances, l'origine et l'histoire. Voilà bien les deux auteurs de l'homme. Pour moi, je persiste à n'en pas connaître d'autres. Avant tout, le ministère psychique remercie pour son introduction notre éminent confrère, le professeur Jean Rostand, qui rostand brillamment les détracteurs d'Émile Zola, notre patient du jour. Émile Zola est né le 2 avril 1840 à Paris, d'un père italien qui eut la malencontreuse idée de mourir quand Emilio n'avait que 7 ans. Le petit Zola fit ses études à Aix-en-Provence et c'est sur les bancs du lycée qu'il contracta une jolie amitié avec Paul Cézanne qui chercha dès lors à obtenir une sainte victoire, initier son ami à la peinture. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, ben, je m'appelle Zola, je suis peintre en bâtiment et de temps en temps, j'écris. Depuis tout petit, ça commençait par des petits mots et après, je montre aux gens. Et au fur et à mesure, après, je me mets à écrire des poèmes. Et voilà, j'écris depuis l'âge de 12 ans. Et jusqu'à maintenant, dès que je peux. Eh bien, merci. Merci, Émile, de n'avoir pas abandonné l'écriture pour la peinture. Pourtant, quand Zola quitte Aix-en-Provence pour Paris, il fréquente les milieux artistiques où l'avant-garde se fait impressionniste. D'ailleurs, c'est vers le journalisme littéraire et artistique que Zola se tourne. Il livre quelques chroniques et des critiques dans les journaux sous contrôle impérial. Il publie même quelques textes littéraires, notamment dans l'Illustration. Mais avec la chute de l'Empire et la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, Zola voit tous les possibles s'ouvrir devant lui. On sait comment, après la faillite du journal républicain qu'il avait fondé à Marseille, Zola fut amené à tenter une carrière administrative et politique à Bordeaux, dans la confusion qui suivit la chute de l'Empire. Comment ensuite il fut heureux de trouver un gagne-pain dans le journal La Cloche de Louis le Bac, où il tient une chronique parlementaire quotidienne. Pendant plus d'une année, Zola va donc devoir rendre compte du fonctionnement du régime parlementaire à ses débuts. Il arrive plein d'espoir, mais il est vite déçu, et dès la première séance, pour ainsi dire, son opinion est faite. La majorité de droite, ces messieurs de la droite, bloquent par leur ignorance et leur intolérance le jeu normal du système. Et ainsi, le 30 juin, il termine son compte-rendu de la séance par cette boutade qui cache sans doute une angoisse réelle. Je ne puis résister au besoin de dire à mes lecteurs, à ceux qui veulent bien me manifester quelques sympathies, par grâce, faites cela pour moi, nommez des hommes de talent, afin que je ne m'endorme plus pendant les séances. Eh oui, Zola est vite déçu par le parlementarisme hésitant du début de la Troisième République. Et des hommes de talent, Zola va les chercher dans ses romans. Il va surtout chercher à montrer les travers de la société et les dérives humaines. C'est un succès monumental pour une œuvre monumentale, la série des Rougon-Macquart, dont certains opus déchirent les passions. C'est par exemple La Curée en 1872, Le Ventre de Paris un an plus tard, L'Assommoir en 1877 et Tout s'accélère en 1885 avec Germinal. Avec Germinal, et quelles que soient les réserves, c'est le triomphe. De toutes parts, la presse socialiste, provinciale, étrangère, demande à Zola l'autorisation de reproduire en feuilleton le roman. C'est fou ce qu'il est complaisant, avez-vous besoin de lui ? Appelez-le simplement en disant Mimile. Mimile répond présent. Quant à L'Argent, publié en 91 et dont Paul Lafargue rend compte aussitôt et longuement, ce n'est pas tant l'apparition d'un personnage socialiste qui frappe les socialistes. Dans ce roman, c'est l'aptitude de Zola à montrer l'homme broyé par les forces sociales au milieu desquelles il se débat. Mimile, oh, il met toujours dans le mille, Mimile est épatant. Mimile est épatant, tant il s'engage dans les luttes sociales et politiques de son époque. Pourtant, c'est un événement intrigant qui va lui donner la posture dont il est la figure emblématique, celle de l'intellectuel engagé. En 1894, un capitaine de l'armée française est condamné au bagne à perpétuité pour avoir livré des renseignements militaires à l'Allemagne. Bon, rien d'anormal, jusqu'à ce que l'évidence éclate. Ce capitaine, Alfred Dreyfus, est innocent et ses origines juives sont en grande partie la cause de l'acharnement contre lui. Et là, Émile Zola ne peut pas laisser passer ça. Je me bats pour la vérité et pour la justice. Vous souillez la France ! Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, paresse. Vous encore moins, Drummond. Chaque matin, en lisant vos journaux, ma stupeur grandit. Comment on vous dit que l'île du diable, un homme agonise, qui est peut-être innocent, et vous refusez la lumière ? Honte sur vous ! Au point où on en est, la culpabilité de Dreyfus n'a plus aucune importance, Zola. Il y va de la France. Ce que vous venez de dire, paresse, est infâme. Zola ! Vous êtes un destructeur de la société. Toute votre œuvre est là pour attaquer les piliers de la société. La bourgeoisie, l'armée, l'ordre, la morale, l'art. Jusqu'à la langue française, vous êtes le romancier de la fange. Je suis le souffre-douleur, à tout bout de champ j'entends. Émile, qu'est-ce que tu fais ? Affolé, je perds la tête, je cours de tous côtés. Car je suis à bout, dégoûté de tout. Faut que je sois partout, avec ces foufous. Comme un cheval, je suis toujours en piste. Car j'ai beau me dédoubler, je n'ai même pas le temps de souffler. Oh, quel métier! L'affaire Dreyfus divise la France et Zola, fervent dreyfusard, devient la cible privilégiée des nationalistes antisémites. Malgré les preuves de l'innocence qui s'accumulent et malgré les évidentes incongruités légales dans le procès, rien n'y fait, l'armée garde la main sur l'affaire. Alors, Zola a cette idée de génie au prix de sa liberté et peut-être de sa vie, utiliser la plume contre le sabre. Cette lettre est longue, monsieur le président, et il est temps de conclure. J'accuse de blanc, j'accuse tout le temps, je sais parfois j'accuse, mais c'est mon taf, alors j'accuse. Le lieutenant-colonel du Paty de Clam, d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse, j'accasse, je casse, je gosse, c'est vrai, je veux refaire une histoire déjà close, frère. Le général de Bois d'Èvre, d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. J'accuse les juges eux-mêmes, passion de peser partout, ouais, j'accuse. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Avec J'accuse, publié le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore, dirigé par Clémenceau, Zola met sa personne dans la balance judiciaire. Il est condamné à 1 an de prison, mais choisit l'exil. L'affaire Dreyfus est relancée grâce aux J'accuse et le jugement de 1894 est cassé. Pourtant, Émile Zola ne verra pas la réhabilitation complète du capitaine Dreyfus qui a lieu en 1906 puisque l'écrivain est décédé 4 ans plus tôt dans sa villa de Médan. Une mort étrange d'ailleurs. Zola est intoxiqué par la fumée de sa cheminée. Faut-il y voir un assassinat ou alors autre chose ? Zola, ce grand romancier, ce grand lyrique des êtres et des choses, ce grand homme d'action, a aussi voulu, a aussi prétendu être un homme de science. Tout comme le médecin, le romancier se fera donc observateur et expérimentateur. Après avoir recueilli les faits naturels, à la faveur d'une patiente et minutieuse enquête, il proposera des hypothèses sur les causes et les enchaînements de ces faits. On l'expose à une fumée extraordinairement épaisse, venant des copeaux de hêtre, des copeaux de chêne ou de la sciure. Et alors, donc il faut maintenir la fumée et la température entre 24 et 28 degrés, parce qu'il ne faut pas faire cuire le hareng, il faut simplement le faire se transformer. Donc c'est une nouvelle substance qui apparaît dans le hareng, une substance au goût délicat et qui était très prisée à l'époque. Eh oui, Émile Zola, qui aujourd'hui a rang de classique dans la littérature française, est mort en fumée en 1902. Et après une enquête pointue de nos services, il est évident pour notre laboratoire expérimental que le comportement de M. Zola, dont les écrits fumeux conservent aujourd'hui encore toute leur pertinence, demeure un véritable danger pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, ils sont là. Oui, ce matin, ils sont tous là, face à nous, tels les 1000 chemises rouges de Garibaldi en expédition pour le Risorgimento. Ils sont là, les 1000 Zola. Il y a le Zola écrivain, le Zola politique, le Zola dreyfusard, le Zola naturaliste, le Zola journaliste, enfin tous, ils sont tous présents dans cette figure majeure de la littérature et de l'engagement politique et intellectuel. L'œuvre zolienne, c'est bien entendu les Rougon-Macquart. Cette saga digne de Dallas, voire des Feux de l'amour, cet ensemble de 20 romans que l'écrivain a sous-titré « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Pourtant, Zola a écrit son œuvre titanesque à partir de 1871, c'est-à-dire après la chute de Napoléon III et du Second Empire. Alors tout de suite une remarque. En prétextant d'écrire la société du Second Empire, c'est en fait celle de la Troisième République que Zola critique. C'est un classique en littérature, utiliser une période du passé pour souligner les dérives du présent. Ainsi, quand Racine puise dans l'histoire romaine l'argument de son Britannicus, il est bien difficile de ne pas y voir un parallèle avec la monarchie absolue de Louis XIV. Professeur Collin, pour Zola, parler du Second Empire fut l'occasion de critiquer la République bourgeoise. Et c'est là qu'on se rend bien compte combien nous avons affaire à un immense écrivain. Car le fossé est évidemment profond entre un empire et une république. Ainsi, le Second Empire fut le règne de la finance et des grandes banques. C'est le mépris du Parlement qui est, tout au moins dans les premières années du régime, une chambre d'enregistrement. Nous sommes là donc très loin d'une république. Oh, et puis, professeur Collin, il est peu pensable sous la République de croiser un personnage comme Napoléon III, un hyperactif voulant tout contrôler, un homme maîtrisant parfaitement l'image qu'il veut donner de son pouvoir. Oh, Napoléon III, un tantinet populiste qui réussit, et c'est impensable, à épouser une belle étrangère quand il vient à peine d'accéder au pouvoir, c'était la coquine Eugénie. Napoléon III qui a fait le pari avec le baron Haussmann de construire un grand Paris. Vous y voyez, professeur Collin, je vous le dis tout net, le monde a changé. Et ce Zola aurait bien du mal aujourd'hui à comparer le Second Empire à notre République. Puisqu'avec Napoléon III, nous avions eu le droit de grève. C'était en 1864. Alors que la direction du moment serait plutôt à l'inverse. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre passion. Dénonciateur infatigable qui fut capable de crier devant quelques condés « Je te vois, Félix Faure ! Je te vois, Félix Faure !» Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, aujourd'hui devenu une star internationale qui fera tous les bars de la Terre et ira où on ne le connaît pas. Il fera tous les bars de la Terre, il ira où on ne le connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois. Il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra. Il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Tant que le corps résiste, un défi que s'impose ici Dominique A. Un écho à la devise d'Émile Zola. Pas une journée sans écrire une ligne. Un authentique bourreau du boulot. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir extrait de la mine les grandes étapes existentielles qui ont manufacturé la structure mentale de notre critique acérée de la révolution industrielle, il est temps, me semble-t-il, d'essayer d'analyser quelques aspects de l'œuvre littéraire d'Émile Zola pour y déceler peut-être quelques aspérités psychiques vigoureusement enfouies. Avant tout, souviens-toi qu'au départ, Zola fut un authentique journaliste dont les pratiques sont malheureusement aujourd'hui en voie de disparition. Autrement dit, il revendiquait la subjectivité, qui n'est pas un gros mot, et sans vergogne, il mettait en avant ses convictions esthétiques et politiques au service de la vérité. Téméraire, Zola n'hésitait pas à dézinguer certains ténors de l'Assemblée nationale qu'il décrivait à juste titre comme des trouillards réactionnaires admirablement manipulés par Adolphe Thiers. Néanmoins, ses petites chroniques politiques lui ont causé quelques soucis puisqu'il fut arrêté plusieurs fois mais toujours soutenu et protégé par Louis Hulbach, son rédacteur en chef à la Tribune. Cela dit, à l'aube des années 1870, Zola commença sérieusement à penser qu'il devrait plutôt se consacrer uniquement désormais à la grande littérature, au grand étonnement d'ailleurs, de son patron qui se posait quelques questions. Mais quel genre d'approche? Enfin, thématiquement, quoi. Quoi? De quoi je parle? Ça m'apprendra à faire le malin, oui, c'est ça. C'est une bonne question. Eh bien, aussi bizarre que ça paraisse, je crois que j'écris sur des hommes comme toi. Le travailleur moyen, l'homme de la rue. Ben ça, alors, c'est sidérant. Oui, je crois que ça l'est. Mais d'autre part, c'est aussi le but. J'espère que nous serons bientôt une majorité à penser que nous avons enfin l'occasion de forger une réalité à partir du quotidien, pour les masses, sur la base d'idées pures et lumineuses. Au lieu de ce vieux ramassis d'abstractions qui emplissent les drames, elles n'ont plus aucune valeur, si elles en ont jamais eu. Oui, tu dois pas y comprendre grand-chose. Mon Dieu, moi je pourrais t'en raconter des histoires. Et ben, voilà ce qui importe. Nous vivons tous des histoires. Les espoirs et les rêves de l'homme du peuple sont aussi nobles que ceux d'un roi. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi on fait comme si c'était si dur d'avaler une telle pilule. C'est ainsi que Zola, passionné par la vie de ses contemporains, décida d'appliquer les méthodes d'investigation journalistique avant d'écrire chaque épisode de sa fresque romanesque. Du coup, il collectionna une multitude de détails et il fut minutieux et méthodique pour être au plus près de la réalité. Mais au final, figure-toi qu'il y a une vérité encore plus profonde dans l'œuvre de Zola. Enfin, je voudrais dire qu'il y a une vérité plus profonde que celle même du strict réalisme historique dans les romans de Zola, c'est la vérité du mythe. Et il faut toujours revenir à l'exemple de Germinal ou à l'exemple de La Terre, qui sont vraiment, encore une fois, les œuvres socles. Germinal traduit plus que l'histoire d'une grève. Ça sent pas bon. On dirait qu'ils vont nous pousser à grève. Ah, oh, ça, c'est sûr. C'est facile à prévoir. Ils vont vous pousser à bout. La crise s'aggrave. Avec toutes ces usines qui ferment, on a de moins en moins besoin de charbon. La direction cherche à réduire les frais. Alors elle va rogner sur les salaires et ce sera aux ouvriers de se serrer la ceinture. Une bonne grève les arrangerait plutôt. On épuise le stock, on met une partie des mineurs au chômage et les autres, une fois domptés, on en profite pour moins les payer. Il traduit la sorte d'appréhension, la sorte d'angoisse qui s'est emparée dans les années 1880 non seulement de gens comme Zola, mais de gens comme Bourget, de gens comme Claudel, de gens comme, disons, toute la génération des hommes qui avaient environ 40 ans à l'époque et qui voyaient approcher la fin du siècle avec une espèce d'inquiétude. C'est à cette époque que naît le mythe du grand soir. Oui, la prouesse de Zola fut sans doute de désacraliser les mythes afin qu'ils résonnent dans le réel. Selon lui, pour y parvenir, il faut acquérir un style simple, clair et fort pour lutter contre les excès de la rhétorique et dans l'espoir de se débarrasser des adjectifs superflus pour que seul le verbe demeure. Zola désirait une écriture d'où l'idée puisse transparaître avec, je cite, « une solidité de diamant dans le cristal de la langue ». Tentons d'illustrer ces magnifiques propos. Émile Zola, La Terre. Qui c'est qui a taillé la haie, là? Dis donc, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche. Et de la droite, tous les trois pas, il y prenait une poignée de blé que, d'un geste à la volée, il jetait. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage, qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel. Quand les autres arrivèrent, ils le virent qui se baissait, qui prenait dans sa main une poignée de terre, puis qui la laissait couler lentement, comme pour la peser et la flairer. Ils vont faire une véritable autoroute de l'information, ouais. Qui vont il y vraiment... en a déjà pas mal hein, des oui. informations oui, mais là, sur des autoroutes oui, mais là, ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même ça passera par chez vous, passera par tout le monde. Je suis vers le cadastre. Au bord de ce champ, au milieu de l'étendue sans bornes, ils avaient la face rêveuse et figée. La songerie des matelots qui vivent seuls par les grands espaces. Quoi? Alors, c'est bien, c'est pas constructible. Mais non, ils m'ont promis que c'était pas constructible. J'en veux pas des autoroutes. Mais c'est pas. C'est pas un simple câble qui va passer sous deux rangs de poireaux qui vont. Oui. Bon alors. Qu'ils disent? Mais j'en veux pas des autoroutes. Hein. Mais non, mais vous aurez même des internets et tout. On lui arracherait plutôt un membre. Jamais surtout il ne lâcherait la parcelle des Cornailles au bord du chemin. Je vous dis que vous aurez avec une simple souris, que vous pourrez obtenir avec une simple souris ce que vous voulez. Hein. Buteau céda lui-même à une humeur exécrable. La terre souffrait d'une terrible sécheresse. Vous gueulez complètement, ça vous chauffe la tête, votre science et vie. Faut arrêter l'abonnement, non, vous êtes pas bien, non? Ma souris, Madame Morel, un nom, non? T'es pas bien, là. Cette bosse plate, fertile, d'une culture aisée, mais demandant un effort continu, a fait le bosseron froid et réfléchi, n'ayant d'autre passion que la terre. Tous ensemble. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage, du fromage. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel. Outre ce style limpide et réaliste, l'œuvre d'Émile Zola se définit également par les sujets qu'elle aborde, bien sûr. L'écrivain s'est passionné pour la psychologie de ses contemporains sous le Second Empire. Il a disséqué leur tempérament pour démontrer, entre autres, la trouille de la souillure et de la déchéance, plus que jamais d'actualité, mais aussi pour analyser, dans Thérèse Raquin ou dans Nana, par exemple, les pulsions obscures des mâles pour leur sexe opposé. Évidemment, le cynisme du détail chez Zola, soutenu par la crudité de son observation, lui ont valu les pires injures d'une société bourgeoise qui prenait conscience sous sa plume de leurs propres angoisses et de la puanteur de leurs propres viscères propres à l'humanité tout entière. Cela dit, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, comment M. Zola a su se défendre contre la violence de ces attaques conservatrices dont il fut une cible favorite. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression dans les grands magasins du Second Empire où notre patient s'est inspiré du patron à la mode. L'interne, ma grande bête humaine, pointez-vous au labo! Allez, hop, démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Mes salutations, très chers. Professeur, pardon. L'excentrique du jour serait donc l'écrivain Émile Zola. Eh bien, sachez que pour ce dossier, j'ai dû en découdre en relisant toute l'œuvre de l'auteur. Et c'est à travers le roman Au bonheur des dames, paru en 1883, que la pathologie du patient s'est révélée. Pour écrire Au bonheur des dames, Zola eut certes recours à l'observation directe. Il interrogea des vendeurs qu'il renseignèrent sur les mœurs et les habitudes du personnel. C'est grâce à cette méthode de travail qu'Émile Zola a pu écrire vrai et que ses œuvres reflètent avec tant de vigueur et de vie la société française de la fin du 19e siècle. Et comme le précisait Zola lui-même, le romancier se devait d'être à la fois un observateur et un expérimentateur. Ainsi, pour l'élaboration du roman, Zola abusa du travail de terrain en fréquentant un peu trop les grands magasins, devenant alors une vraie victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Mais attention, si Zola se donnait à fond pour être au top de la tendance, il n'en oubliait pas pour autant son engagement. Et ne manquez pas de le rappeler à Maupassant et Huysmans, ses potes du groupe des 6, lors de leur soirée chiffon de Médan. Vous ne croyez pas que dans la vie, il y a autre chose que d'avoir un physique hypra, méga, supra, giga, renversant ? C'est vrai, on devrait se consacrer peut-être à des choses plus constructives et significatives. Aider son prochain, par exemple. Mais enfin, qui tu veux qu'on aide ? Les modèles aident beaucoup les gens. Ils les font avoir une bonne image d'eux-mêmes. Ils leur montrent aussi comment bien se saper et se coiffer de façon originale. C'est vrai. Une fashion attitude, oui, mais pour tout le monde. Ainsi débuta le combat de Zola, qui, comme à son habitude, usa de sa plume pour défendre égalité et équité. Mais à peine engagé, Émile ne fit pas vraiment l'unanimité, comme ce fut le cas auprès d'Alphonse Daudet, et dut défendre ses positions. Vous pensez que c'est juste un magazine, Ce n'est pas qu'un simple magazine. C'est une lueur brillant vers l'espoir pour... Savez-vous que vous travaillez dans la boîte qui a fait connaître les plus grands artistes et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé, c'est plus grand que de l'art, parce qu'on passe toute notre vie dans leurs vêtements. Mais les divergences entre Zola et Daudet étaient telles qu'en 1887, une véritable campagne de presse fut lancée contre Émile. Et si Zola décida de ne pas répondre par écrit à la parution d'un pamphlet qui le portait en dérision, il s'expliqua tout de même avec Alphonse. tu te crois au-dessus de tout. Mais j'ai un beau scoop pour toi, frimeur à la manque. T'es un vrai ringard. Je crois que tu sais pas à qui tu t'adresses. Eh, j'ai une idée complètement dingue. Si on réglait ça sur le podium, ça t'irait? C'est un défi défilé que tu me proposes. Et c'est le 14 juillet 1888 que Zola prit sa revanche, tout juste après avoir reçu la Légion d'honneur. Au grand dam de ses confrères et surtout de Daudet, le génie de Zola fut primé une énième fois pour avoir su révéler et gagner ce défi défilé, en créant des vêtements pour le bonheur des dames, des hommes, des enfants, enfin, pour le bonheur de tous, quoi. Heureux, maestro ? Si, forcément, je suis très, très flatté que j'ai eu le dé d'or. Je crois que la mode ne doit pas être enfermée dans les carcans du parisianisme. Avant tout, la mode, c'est quelque chose qui est très populaire, je crois. Moi, je veux que l'ouvrier aujourd'hui puisse acheter une tenue pour aller travailler avec la dignité de l'ouvrier. Très digne. Qu'il puisse au moins s'acheter un smoke avec le SMIC. That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation qui nous révèle ce matin combien la conscience ouvrière chez notre patient fut au final une affaire de haute couture. Bon, alors là, je te sens stupéfait, mais figure-toi que parfois, tu peux même être médusé par le style de la Gorgonzola. Quatre dates importantes dans la vie d'Arlette Zola. 1965, ses débuts, une carrière prometteuse s'offre à elle et elle abandonne tout pour se marier. 1979, la naissance de sa fille. 1982, un retour en force. Elle nous classe troisième au prix Eurovision. Et ce soir, bien sûr ce soir, 1985, Arlette Zola est une battante, comme l'on dit. Alors, la revoilà avec une chanson qui s'appelle « Aime-moi ». Arlette Zola. Bien, après avoir découvert à l'instant les premiers symptômes pour le moins glorieux des résurgences contemporaines de notre patient, il est temps justement d'entamer l'ultime partie de notre analyse afin de pointer les autres survivances d'Émile Zola dans notre merveilleuse société en pleine crise sociale. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre chef de file naturaliste au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin « Le Rougon macabre » et dans laquelle nous allons constater qu'un siècle plus tard, l'univers du maître des forges New Age est un authentique assommoir. L'expert jungien, pointez-vous en labo, c'est la curée ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Vois-tu, quand quelque chose se passe, ça peut laisser des traces comme sur la neige. Oh, disons, comme lorsqu'on laisse brûler un toast. Zola est évidemment le grand accusateur, d'une certaine façon, des maux de la société française. Ces misérables, on les jetait en pâture aux machines. Les grandes compagnies les absorbaient peu à peu, réglementant l'esclavage, menaçant d'enrégimenter tous les travailleurs d'une nation. Des millions de bras pour la fortune d'un millier de paresseux. Votre point de vue, Ernest-Antoine Célière, en tant que patron des patrons. Les entreprises, en France, ont tendance à vouloir se mécaniser, investir et faire de la productivité. Un accompagnement de la flexibilité est essentiel pour pouvoir donner aux entreprises l'envie d'embaucher. Zola a commencé par écrire dans la presse d'opposition au Second Empire. Peut-être que des événements passés peuvent laisser une autre sorte de trace derrière eux. N'êtes-vous pas un actionnaire de mon sou ? Vous ne faites rien. Vous vivez du travail des autres. Enfin, vous êtes l'infâme capitale et cela suffit. Soyez certain que si la révolution triomphait, elle vous forcerait à restituer votre fortune comme de l'argent volé. Monsieur le patron des patrons européens, comment prenez-vous cette perspective ? Nous avons en effet une incapacité à dominer nos crispations qui est manifeste. En France, c'est l'ensemble de la pesée du droit social qui est un droit du 19e siècle qu'il faut adapter. On a besoin de réformes, or notre pays se bloque devant l'adaptation. Zola, par ses descriptions, par sa connaissance qu'il donne au lecteur de la réalité, il a un rôle politique, puisque évidemment il attire l'attention sur des scandales, sur des dysfonctionnements de la société. N'était-ce pas effroyable ? Un peuple d'hommes crevant au fond de père en fils, pour que des générations de grands seigneurs et de bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au coin de leur feu. Et la morale dans tout ça ? La morale n'est pas, comme vous le savez, quelque chose dont on traite quotidiennement, ni en politique, ni dans les affaires. La morale, elle est individuelle, et vous me permettrez d'en rester là. Je crois qu'un tas de choses se sont passées au cours des années, et pas toutes recommandables. Oui, un tas de choses se sont passées au cours des années. Avant, vois-tu, au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, et les hommes, des mineurs de fond. Bref, un destin immuable pour l'ouvrier, un avenir tout pourri, tout moisi. Et puis, en partie, grâce à l'œuvre littéraire de Zola, et sous les impulsions notamment de Jules Ferry, la République a inventé un truc formidable, l'ascenseur social pour tous, tout au moins ses prémices. Si bien que les pauvres ont eu accès à l'éducation, au diplôme, et très logiquement, l'horizon semblait soudain moins gris. En tout cas, tu pouvais espérer pour tes mômes une situation sociale meilleure que la tienne. Et puis, insidieusement, la financiarisation à outrance de l'économie mondiale est venue frapper la société comme un coup de grisou dans la mine. Résultat, c'est le comeback de Germinal. On licencie et on protège son capital, mais on prétend faire de son mieux pour lutter contre la fracture sociale. Émile Zola aurait adoré. Bonjour, gentil John. Bonjour, Ramantali. Hello, les pauvres. Hello, les imbéciles qui n'arrivent pas à être riches. Bienvenue, hein. Soyez palace chez vous. Groum mon cigare, groum mon chapeau, groum mes bagages. Groum, groum, groum, le mot magique qui vous fait rêver depuis toujours. Eh oui, déjà tout petit, alors que vos camarades jouent au football dans la décharge municipale derrière votre bidonville, vous, vous restiez assis près de la caisse de bière où dormait votre papa en vous disant « Moi, quand je serai grand, j'aurai mon groum ». Eh bien, ça y est, c'est arrivé, vous êtes grand. Mais vous êtes con aussi. Oh, John. Bah si, il est con puisqu'il est grand et qu'il a pas son groum, il est con. C'est vrai, vous n'êtes pas très futé. Enfin, c'est quand même pas le bout du monde d'avoir un groom arrivé à votre âge. Il l'a pas, puis c'est tout. Mais ne vous inquiétez pas, John et Tali vont vous sortir de ce mauvais pas grâce à Soyez Palace chez vous. Déjà pas marrant de s'occuper des pauvres, mais encore en plus, ils sont cons, ça, je dois dire. Bon, enfin, John, il est bien rare qu'un pauvre soit intelligent. Nous le savions lorsque nous avons décidé de créer Soyez Palace chez vous. Oui, c'est vrai, mais enfin, des moments, c'est dur quand même. Excusez-moi. Là, au moins, c'est clair. Mais alors que faire face à la violence et à la précarisation que nous offrent les rapports sociaux contemporains ? Eh bien, Émile Zola, le naturaliste, nous aurait peut-être conseillé de cultiver notre jardin. Autrement dit, de revenir aux fondamentaux et de prescrire à outrance de la culture pour tous comme le rempart le plus solide face à la barbarie. Ainsi, il faut s'enrichir de la princesse de Clèves, mais aussi et surtout redécouvrir Émile Zola pour les apprivoiser, afin de se réfugier en littérature comme on se met à l'abri du danger, comme on protège un précieux trésor qui nous permettrait de lutter. Voici l'itinéraire conseillé. Je sais où me cacher. Mon oncle m'a dit ce que je devais faire si jamais... le jour où on viendrait pour l'arrêter. On franchit le fleuve et puis on remonte jusqu'où passait autrefois un chemin de fer. Et on continue toujours, on continue jusqu'à ce qu'on arrive chez les hommes livres. Les hommes libres ? Non, livres ! Les hommes livres ! On ne vous en a jamais parlé ? Non, jamais. Ce sont des groupes de gens qui ont fui. Dans certaines fermes, mais aussi dans les bois, il y en a qui vivent là en petits groupes. Et contre eux, la loi est désarmée. Ils vivent très paisibles et sans rien faire de défendu. Alors que s'ils revenaient en ville, ils seraient arrêtés aussitôt. Comment se fait-il qu'on les appelle des hommes libres ?

Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et le ministère psychique reste fasciné par la structure mentale de notre patient, Émile Zola, pour qui la vie tient du roman et l'esprit du génie. Et c'est inutile de faire son éloge, Anatole France s'en charge. Zola a bien mérité de la patrie en ne désespérant pas de la justice en France. Ne le plaignons pas d'avoir enduré et souffert. Envions-le. Sa gloire atteint une hauteur inaccessible. Envions-le. Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et par un grand acte. Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Émile Zola fut un moment de la conscience humaine. Sublime et inquiétante formule, quand aujourd'hui la conscience est si mal considérée. Le ministère décide donc de ne pas garder chez nous Monsieur Zola, sans quoi nous pourrions être inquiétés d'intelligence avec l'ennemi de classe. Allez, hop, dehors Émile, le ministère n'en peut plus de tourner autour du pebouille avec cet oiseau-là. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 38e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à un écrivain dont l'œuvre, c'est assommant, c'est la débâcle. Xavier Maudu, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Guillaume Lacroux. Merci beaucoup à lui. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard. Mais aussi à Yvan Beaugelet, Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugas, notre voix off, et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, le ministère psychique ouvre un nouveau dossier et clôt Lucé, car nous recevons Léonard de Vinci. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode de la panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?